Et à tous, enfin back à la radio. Je suis content. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur 90.7 si vous nous écoutez dans la région de Bordeaux, partout ailleurs et même dans la région de Bordeaux si vous le souhaitez aussi. C'est sur www.rigfm.fr. Je suis Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 475 parce que pendant le deuxième confinement, on en a fait en podcast directement. Je vous dirai peut-être plus tard où les trouver. De toute façon, c'est marqué sur le groupe La saga des Fab Four sur Facebook. Et nous sommes le 9 décembre 2020, 40 ans jour pour jour, après la mort de John Lennon, on lui rendra hommage dans cette émission. L'album de la semaine, parce qu'évidemment, me pensant toujours confiné, j'avais préparé les émissions à l'avance. Eh bien, j'avais préparé l'album Run David Run de Paul McCartney en 1999 parce que dans 9 jours à partir d'aujourd'hui, ce sera le nouvel album de Paul McCartney. Et ça se manque pas, donc j'avais envie de faire plusieurs émissions ayant pour thème Paul McCartney pour nous mettre vraiment en condition. Donc, on écoutera Blue Jean Bop, No Other Baby, All Shook Up, Brown Eye Handsome Man, Run Devil Run et Movie Mag pour l'album de la semaine qui est Run Devil Run. Il y aura aussi du Lennon, forcément il y en aura plusieurs et des très très très bonnes pour lui rendre hommage. Il y aura Cold Turkey, le single de 69 pour John Lennon. George Harrison nous chantera Wawa sur All Things Must Pass. Et quant à Ringo Starr, ce sera Back of Boogaloo, sorti en 72 et ressorti sur le remaster de Goodnight Vienna en 1974. Quant aux Beatles, ils nous chanteront Misery sur l'album Please Please Me en 1963. Pour le reste, vous verrez plus tard. On est 2 heures avec vous jusqu'à 22h, peut-être 2 minutes, on ne sait jamais. Et j'espère que tout va bien se passer. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je voulais vous dire aussi que Ringo Starr a fait un tweet, j'ai pas eu le temps de le rechercher cette semaine, en disant « Je demande aux animateurs radio, le jour du 9 décembre, de passer Strawberry Fields Forever en hommage à mon ami John Lennon. » Eh bien, ici, à RIG, on respecte ce que demande Ringo Starr. Voici une chanson en plus qui n'était pas prévue, Strawberry Fields Forever, en hommage à John Lennon. C'est maintenant. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Des années plus tard, en 1999, Paul McCartney. You dip your hip, you free your knee. Well, wiggle on your baby, one, two, three. Well, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, baby, won't you bop with me? Blue jean baba, blue jean baba, baby, blue jean baba, blue jean baba, baby, blue jean baba, baby, won't you baba with me? Un an auparavant, il perd Linda, malheureusement, Paul McCartney. Certains m'avaient assuré que pour se sortir d'un événement tragique comme peut l'être la disparition d'un être cher, il eût été bon de se plonger à corps perdu dans le travail. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ainsi, McCartney évoque-t-il le long et sombre couloir qui, durant une année, l'a conduit du chevet de sa défunte épouse jusqu'aux portes des studios Abbey Road, où un matin de mars 1999, il se décide enfin à rompre le deuil et à retrouver le son familier de sa basse Höfner. Paul a besoin d'un sas de décompression, d'où est bannie toute forme d'introversion. Renouant avec ses premiers émois musicaux, c'est à travers les compositions de ses glorieux aînés qu'il s'offre une expéditive thérapie rock'n'roll. Le 5 octobre 1999 paraît donc Run, David, Run, Brûlante anthologie du rock des années 50, truffée de pépites oubliées et d'obscures face B de singles. En portant ce choix sur ce genre de chansons, Paul évite l'écueil des reprises des grands standards. Exercice maintenant usé et par lequel il est déjà lui-même passé avec le brouillon sauvage de Choba BCCCP. C'est du russe, vous savez, l'album de 88, exclusivement réservé à la Russie, mais pas longtemps. Puisqu'en 91 ou 92, il est ressorti en CD pour le reste du monde. Mais moi j'ai le 33 tours, tout écrit en russe. Je ne comprends rien, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'entendre les chansons de McCartney. Donc parmi les fantômes romans qu'il évoque ici, les plus grands côtoient les moins chanceux. Convié par trois fois, le King est indéniablement l'invité d'honneur de cette rock'n'roll party où l'on croise Carl Perkins, Chuck Berry, Buddy Holly, Larry Williams, Little Richard, Gene Vincent, Fat Domino's et d'autres. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. On en parlera plus tard. Voici maintenant John Lennon et Cold Turkey sur RIG 90.7. On a run. Stéphane sur Facebook. Marc, je me demande ce que va être le son de cette chanson sur le nouvel album, enfin la ressortie de l'album. Oui, je suis impatient d'entendre moi aussi, parce qu'il va ressortir cet album, All Things Just Pass, dans une version déspectorisée. Un peu comme il y a eu l'album historique Let It Be et la version Let It Be Naked. Eh bien, il va y avoir la version historique All Things Must Pass avec le son de Phil Spector en producteur et All Things Must Pass Naked, mais ça s'appellera pas comme ça apparemment. Et le même album sans la production de Phil Spector. On en a déjà eu un extrait et c'était absolument fabuleux. Seulement cette chanson, moi je l'imagine qu'avec énormément de guitare, etc. On va voir ce que ça va donner. Ça va sortir en 2021 et bien entendu, dès que ça sort, ce sera dans la saga des Fab Four. Back of Boogaloo, c'est Ringo Starr sur LG. Quelqu'un a une traduction de Back of Boogaloo, je la prends parce que Back of, c'est une idée de en arrière, etc. Donc, dire à quelqu'un de ne pas s'approcher. Mais Boogaloo, est-ce que c'est le nom de quelqu'un ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a entendu McCartney, Lennon, Harrison et Starr. Donc, avant d'écouter les Beatles, il faut vous renseigner, et vous le savez depuis longtemps, sur le meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. Beatles Magazine UK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. C'est leur premier album. L'album s'appelle Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. Et à l'instant, c'était Misery. L'originalité dès le début des Beatles, c'est qu'ils voulaient placer leur composition. À l'origine, dans les années 60, on va dire, un groupe était là juste pour chanter des chansons que d'autres, une équipe de compositeurs composait pour eux. Ça se passait comme ça à l'époque. Très rares étaient les chanteurs, auteurs, interprètes et compositeurs. Et les Beatles, dès le début, donc, ont fait quelques reprises sur le premier album, mais ont chanté leurs chansons à eux. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils s'étaient rendus compte, lorsqu'ils tournaient en tant que... Ils sont partis à Hambourg, etc., ils se rendaient compte qu'ils voulaient prendre cette chanson. Ah bon, oui, mais le groupe d'avant avait déjà fait cette chanson-là. Alors, pour se démarquer, le mieux, c'était de créer les propres chansons plutôt que d'essayer de la chanter différemment. C'est le style Beatles, merci à eux. Et quelques années plus tard, 36 ans plus tard, Paul McCartney revient à des reprises pour cet album Run Devil Run et ce titre des années 50, No Other Baby. Ça existait les solos avant, c'était bien. La basse. Oh. RG 90.7, la radio des Beatles. Cause all of autre genre en 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Il parlait de You aussi, mais juste You, c'est la chanson de George Harrison. Saga des Fab Four numéro 475 en direct depuis la radio de Blanquefort, la radio RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four que je vous propose, qui a été créée en 1984. On est bientôt dans la 37e année, c'est un truc de fou. Et je vous propose deux Beatles à la suite. I Wanna Be Your Man, so with the Beatles en 63, et suivra I'll Follow the Sun un an plus tard, dans cette très belle année de 1964, sur l'album For Sale. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I

feel like giving up. Don't you know life is tough, let it go. Vous aviez bien entendu corrigé mon erreur, et ce n'est pas sur cette chanson qu'intervient George Harrison sur Vertical Man, il intervient sur King of Broken Hearts, mais c'est bien sur le même album. We'll be right back.

1979 sur l'album qui s'appelle tout simplement George Harrison, Your Love Is Forever. Ça me fait des frissons, j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Attention, on change de rythme. L'album de la semaine, Run Devil Run, Paul McCartney, et voici Brown Eyed Handsome Man sur RG. Incarné dans ses œuvres. Pour la cover d'aujourd'hui, une chanson chantée par les Beatles avant la séparation ou après, même si eux-mêmes faisaient déjà la cover de quelqu'un, j'ai choisi une chanson en français de quelqu'un qui est parti le 5 décembre 2017. Il y a une émission spéciale juste après la mienne qui s'appelle Johnny de A à Z. Et sur cette chanson-là reprise en français, c'est la reprise de Slow Down. Je trouve, encore une fois, que Johnny Hallyday s'en sort mieux que les Beatles. C'est plus puissant, c'est encore meilleur. Voici Dégage sur RG. sais m'en servir. Dégage. Eric me dirait, cet extrait de l'album Rock à Memphis en 1975. Et c'est vrai, c'est Johnny Hallyday il y a quelques instants. La 18e chanson est occupée par les fils d'eux, les ressemblants à ou les copains d'eux. Et bien là, c'est le copain de Steve Lutaker qui fait partie du Ringo Starr Band, donc du All Star Band si vous préférez. Il va sortir un album en 2021 qui s'appelle I Found the Sound Again, I Found the Sound Again, j'y arrive. Et sur cette chanson, Run To Me, qu'il a déjà relâchée sur iTunes, il y a à la batterie un certain Ringo Starr. C'est du rock qu'on aime bien. Voici la chanson Run To Me sur RIG.

if you want our love to last. Well, I used to walk you home, baby, after school, carry your books home too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. If you want our love to last. Revenons à l'album de la semaine, l'album Run Devil Run. Pour l'accompagner, McCartney a réuni façon commando une poignée de figures du rock n'ayant plus rien à prouver. Aux guitares, un surprenant David Gilmour en rupture de Pink Floyd, ainsi que le légendaire Mick Green. Et à la batterie, Ian Paice, le batteur de Deep Purple. McCartney tient avec une rare efficacité la basse de ses sessions qui, en une semaine chrono, accoucheront d'un disque gorvé d'une sève juvénile que l'âge de ses interprètes n'appelait pas nécessairement. La critique sera unanime à rendre à Paul McCartney ses galons de rocker. Une réhabilitation ennuyeuse aux yeux de tous ceux qui le savaient parfaitement capable de damer le pion à quiconque dans ce registre. Excité et libre comme un gamin, écoutez avec quelle gourmandise il expédie ses chansons ayant toutes percé son adolescence. Tripale et enfiévré, sa vigoureuse interprétation dynamite l'image de l'aimable compositeur de ballades qui lui colle à la peau depuis Yesterday. Mais l'album n'est pas dénué de séquences émouvantes comme le No Other Baby qu'on a écouté tout à l'heure d'une incroyable intensité, poignante également, qui évoque en filigrane le souvenir de Linda. Un extravagant coffret collector regroupe l'intégralité de l'album réparti en 8 45 tours, nous gratifiant au passage de Fabulous, que j'ai aussi, seul inédit de ces sessions à être ainsi publié. McCartney portera à plusieurs reprises ce répertoire sur scène, y compris au légendaire Cavern Club de Liverpool, où il s'était illustré avec les Beatles, mais c'était avant la gloire. Voici la chanson de cet album, Run, Devil, Run, sur R.I.G. Run, devil, run, the angels having fun, making winners out of sinners, better leave me boys done.

Why are they doing those strange things? Je crois que c'est ce qu'il dit à la fin de cette chanson-là. Et j'adore Mid City sur RIG dans la saga des Fab Four, numéro 475. Et c'est John Lennon qui a composé, qui a composé cette chanson. Et John Lennon qui, malheureusement, est parti il y a 40 ans aujourd'hui. On l'a appris, nous, le 9 décembre, alors qu'il est parti et il a été tué le 8 décembre à 23h et des poussières. Et si vous voulez tout savoir sur John Lennon, eh bien, il y a moyen de vous renseigner avec un superbe livre qui s'appelle Number Nine. Number Nine, écrit par Dominique Grand. Oui, c'est Number Nine. Number Nine, il y a Eric qui est là, c'est pour ça. Écrit par Dominique Grandfils, par Claude Defer, par Pierre Espourtel, Jean-Luc Taforo, à la maison d'édition AO. Et vous allez sur www.aoedition.com, édition avec un S, et vous pouvez acheter ce livre qui est absolument passionnant. Je vous le conseille. La suite de la saga, eh bien, c'est encore du extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Run Devil Run. Voici un nouveau titre, Movie Mag, et c'est le dernier sur RIG. Now let me take you to the Movie Mag so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And a double barrel behind the door who waits for me, I know. Oh, climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. I only see her once a week and that's when my work is through. I break new ground the whole week long when my mind sets straight on you. And I've polished up my old horse back and she looks good, I know. So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that double man. And a double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. Set straight on you. And every time I try to smile, my heart it breaks in two. I slick myself for Saturday night, cause there's one thing I know. I'm gonna take my Maggie dear to the Western Picture Show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand. But it ain't that I don't like your house, it's just that old man. And that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. Un cadeau de la saga des Fab Four. Il reste 9 jours avant d'avoir le nouveau 33 tours, enfin nouveau LP de Monsieur Paul McCartney, McCartney 3. Et nous, on vous offre un extrait, un nouvel extrait de cet album qui va sortir dans 9 jours. Voici Seize the Day sur RIG.

choose love. C'est promis, comme je suis franchement en retard, tu pourras couper quand tu voudras. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite une très bonne écoute de l'émission d'Eric parce qu'elle est très très bien. À très bientôt. Salut, ciao.